إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شيخنا الكماس لبوين مهوزيت يزي بعض القواعد في المنهج السلفي certains principes ou certaines règles fondamentales qui concernent le manhaj salaf, des salafs, le manhaj salafi. La première règle, awwalan, qa'idatun fil amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. C'est-à-dire, la règle en ce qui concerne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. On avait déjà commencé, la semaine passée, à la fin du DAP, on a commencé à expliquer un petit peu l'introduction de ça. Mais on va le répéter parce que c'est très important de le comprendre comme il faut. Donc le cheikh dit « Al-Murad bil-ma'ruf, jami'u al-ta'at, wa'azamu zalika ibadatullahi wahda, la sharika lah, wa ikhlasu l'ibadati lahu, wa tarku ibadati ma siwahu, wa ya'ti ba'da zalika sa'iru al-ta'ati min wajibatin wa mustahabbat. » Donc le cheikh dit que donc on parle de al-amr bil-ma'ruf. Al-amr, ça veut dire ordonner. Al-ma'ruf, là c'est ça qu'on va expliquer, qu'est-ce que ça signifie al-ma'ruf. D'ordonner, qu'est-ce qu'on traduit? Al-ma'ruf, on le traduit souvent comme étant le bien, d'accord? Ordonner le bien. Et al-nahyu, ça veut dire l'interdiction, ok? Et on dit al-nahyu al-munkar. Et le munkar, on le traduit souvent comme étant le mal, sauf que ça a beaucoup plus une implication beaucoup plus grande que ce que ça peut paraître en réalité. Al-ma'ruf en arabe, c'est qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'est-ce qui est connu. Et al-munkar, qu'est-ce qui est pas connu? Si on regarde sur le plan linguistique. Maintenant, si on regarde sur le plan islamique, selon la charia, le cheikh il dit que la signification du mot ma'ruf, ça implique toutes les obéissances. Toutes les obéissances qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala sont, ou bien entrent dans la définition du mot ma'ruf. Et le cheikh, il dit que la plus grande forme de ces, la plus grande parmi ces adorations-là, et parmi ces obéissances, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et de ne lui, associer rien dans notre adoration, et de purifier notre adoration pour lui. Et d'abandonner et d'abandonner l'adoration de tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut résumer tout ce qu'on vient d'expliquer comme étant at-tawhid. Donc, la plus grande parmi toutes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus grande de toutes les formes d'adoration et d'obéissance, c'est d'adorer Allah avec le tawhid, d'appliquer at-tawhid. Okay? Et le cheikh il dit, وَمَا سِوَاهُ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ. Et tout le reste des obéissances suivent cela par la suite. Alaykoum salam wa rahmatullah, kayfa al-hal? Ala bikhair, alhamdulillah. Et toutes les autres formes d'adoration entrent là-dedans, que ce soit des obligations ou des choses qui sont recommandées. Et le munkar, maintenant il explique l'autre terme maintenant, al-munkar, le chef il dit, huwa kullu ma naha Allahu anhu wa rasuluhu. فجميع المعاصي والبدع منكر واعظم المنكر الشرك بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le munkar, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager ont interdit. Et donc, tous les péchés et toutes les désobéissances entrent dans la définition du munkar et les bid'ah, hein, ainsi que les bid'ah. Sauf que la plus grande parmi toutes les munkarat, la plus grande forme de munkar, c'est quoi? C'est ash-shirk billah. C'est-à-dire de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou de faire le shirk dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a déjà étudié ça en détail. Ensuite, le Cheikh dit « والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوب كفائي لا عيني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. » Donc le Cheikh explique que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal est obligatoire pour cette Ummah, mais c'est une forme d'obéissance qu'on appelle, ou c'est une forme d'obligation qu'on appelle kifa'i. C'est-à-dire, c'est une obligation pour un nombre particulier ou une certaine quantité parmi les musulmans. Si un nombre suffisant de musulmans l'ont mis en pratique, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste de la Ummah. Donc on appelle ça fardu kifaya, hein, fardu kifaya. Donc kifaya, ça vient du terme yani kafa, yani ça veut dire quelque chose qui est suffisant. Donc quand c'est suffisant de musulmans qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, alors pour le reste ce n'est plus obligatoire, parce que c'est seulement recommandé de le faire. D'accord? Ça devient un acte recommandé, un supplément de bonne action. Tandis que si tous les musulmans l'abandonnent au complet, alors là, tous sont pécheurs. On est tous pécheurs. C'est ça la signification de Farouk Kifaya. Et le chef, il explique ça et il dit exactement ce qu'on vient de dire. Puis il dit, قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Et ça, c'est la preuve que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal est un fard kifa'i. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit, et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien, يدعون إلى الخير, et qui ordonne le ma'ruf et qui interdit Al-Munkar, et voilà ceux qui auront le succès ou qui ont le succès. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié qu'il doit y avoir un groupe parmi la Ummah qui se concentre sur ça. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que, par exemple, dans un pays musulman, si par exemple le dirigeant a établi une certaine organisation dans le pays, qui ont comme travail ou comme responsabilité de mettre en application cette obligation-là ou ce devoir-là. Donc, alhamdulillah, yani, ça veut dire que ça a été appliqué et donc ce n'est plus obligatoire pour nous autres de mettre cette chose-là en application. D'accord? Par contre, pour les autres qui ne font pas partie de ce groupe-là ou de cette organisation gouvernementale là, qui ont pour but ou comme travail d'ordonner le bien et d'interdire le mal, alors ça devient recommandé pour les autres, dans les limites que yani, le dirigeant le permet. C'est-à-dire dans certains cas, si le dirigeant n'a pas donné une autorité à certains musulmans, à tout le monde dans la société, d'interdire le mal par la main, alors c'est pas permis à n'importe qui de partir et de changer le mal avec sa main. D'accord? Il doit regarder les choses et essayer de voir uniquement qu'il ne va pas causer plus de désordre que de bien-être. Qu'il ne va pas causer plus de tort que de bien. Et que le mal qu'il veut interdire n'est pas plus grave que. Ne va pas amener une conséquence plus grave que celle qu'il veut arrêter. Et il y a aussi d'autres hadiths et d'autres versets qui expliquent ce principe-là. Le Cheikh a mentionné celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Les gens de Ben Israël ont été maudits par la langue de Isa et par la langue de Daoud et la langue de Isa, fils de Marie. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi et transgressé. Donc, ils ont été, les gens de Ben Israël, maudits par la langue de ces deux prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué dans le verset ci la raison pourquoi ils ont été maudits. Il dit, non, déjà là, il a expliqué que c'est parce qu'il transgressait, parce qu'il faisait des péchés, mais il rajoute encore une explication qui vient rajouter encore plus de clarté à ça. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فذلك كانوا لا يتناهون. Le verbe utilisé sous la forme de mufa'ala, c'est-à-dire qu'ils ne s'interdisaient pas entre eux le mal mutuellement. Hein? Donc, à cause de ça, ils ont été maudits. Donc, quand ils ont abandonné le fait de s'interdire entre eux le mal qu'ils faisaient, ils sont tombés sous la malédiction. Donc c'est très important que ce principe-là existe dans la société. Il y a beaucoup d'autres versets aussi. نعم بارك الله فيك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que c'est une autre chose qui donne beaucoup d'importance à ce principe-là. D'accord, alhamdoulilah. Et puis le chef, maintenant, il va mentionner une citation de Aou. Avant de mentionner ça, je dois aussi mentionner un hadith aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. فهذا حديث très important dans ce sujet-là, c'est-à-dire celui qui voit un mal alors qu'il le change avec sa main, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change avec sa langue, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi, le minimum de la foi, d'accord. Et dans un autre hadith, ça dit ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد حبة خردل. Il n'y a pas après cela du niveau de la foi, il n'y a même pas la graine de moutarde de foi pour la personne qui n'a pas interdit le mal avec son cœur, c'est-à-dire qui n'a pas détesté le mal par son cœur et qui n'a pas souhaité que ce mal, il n'a pas souhaité, c'est-à-dire lorsque la personne n'a pas été capable de le changer ni par sa main ni par sa langue. Au moins, au minimum, il doit souhaiter que s'il avait la capacité de le faire, il l'aurait fait. Et il doit détester ce mal dans son cœur et souhaiter le pouvoir le changer, d'accord. Et le changer avec la langue, c'est-à-dire de parler contre ce mal, de donner le bon conseil. Hein, le professeur Hassan nous dit « Ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha, ad-din al-nasiha ». La religion, c'est le bon conseil. قلنا لمن يا رسول الله اكتب يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ستدير إفو الله سبحانه وتعالى إفو لميه الله إفو إفو صمته إفو إفو لا إفو لدي رجال المجمع إفو كتب المجمع الجميحال d'accord. Donc ça, c'est un principe de fondamental. Donc on doit ordonner le bien et faire le mal avec notre langue lorsqu'on n'est pas capable de le faire avec la main. Et l'ordonnance avec la main, bien, ça peut être par exemple de changer le mal directement en le stoppant avec sa main. Ça, c'est uniquement si on a l'autorité. Soit premièrement parce qu'on a la permission du dirigeant pour le faire. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien parce que, par exemple, on a une autorité. Par exemple, dans notre maison, un père de famille, il a une certaine autorité dans sa maison, il peut par exemple décider que s'il voit quelque chose haram dans sa maison qui se produit, il peut utiliser la force et sa main pour l'empêcher ce mal. D'accord? Et c'est la même chose par exemple si il y a quelque chose par exemple pour un, on va dire un président ou un dirigeant ou un chef d'une compagnie ou un directeur d'un commerce ou propriétaire d'un commerce ou d'un immeuble, il voit dans sa propriété quelque chose de mal, quelque chose de haram, contraire à l'islam, et qu'il est capable de le changer, il le change. Tandis qu'une personne qui n'a pas l'autorité, qui n'a pas la permission, s'il commence à essayer de changer le mal avec sa main, il pourrait peut-être, par exemple, entrer dans des conflits ou des problèmes. Alors le mieux, c'est de laisser tomber ça. C'est pas que ça amène un mal qui est plus grave, c'est difficile à arrêter. Après, le cheikh dit, « قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما أمر به عالما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم مع الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقف ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد وقد قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذي أو أن يؤذي فلا بد أن يؤذى نعم ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة فعليه أن يصبر كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور نعم donc c'est une explication en fait qui nous donne les règles et les principes en ce qui concerne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et yani, le chef Ibn Taymiyyah, il clarifie ça très bien et il dit, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il faut qu'il ait trois choses. Il faut qu'il soit savant, c'est-à-dire il faut qu'il ait la connaissance de ce qu'il ordonne. Hein? Et il faut qu'il sache, il faut qu'il ait la connaissance de la chose qu'il interdit. Deuxièmement, il faut qu'il soit doux dans ce qu'il ordonne et doux dans ce qu'il interdit. Utiliser la douceur. Et il faut qu'il soit indulgent dans ce qu'il interdit. Et il faut qu'il soit indulgent dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Et après, il explique ça, il dit que la connaissance doit être avant l'ordre ou l'interdiction. Donc, avant d'interdire ou d'ordonner, il doit avoir la connaissance. Il doit être en pleine connaissance de la chose. Donc, si tu vois quelqu'un qui fait un acte et que tu as la connaissance que cet acte qu'il fait est interdit, alors là, tu peux aller lui dire et l'interdire. Mais si tu ne sais pas si c'est interdit ou non, tu as des doutes. Donc là, tu n'y vas pas. D'accord? Ou bien, donc, il faut avoir pleine connaissance de la situation. Il faut savoir aussi si la question n'est pas une question de divergence. Parce que parfois, il se peut que les savants ont divergé au sujet d'une chose. D'accord? Alors c'est bon de retourner et d'avoir une pleine connaissance au sujet de cette divergence pour être capable de présenter des arguments du Coran et de la Sunna pour clarifier la divergence à la personne dans le cas où la personne aurait un argument ou une shubha. D'accord? D'être capable de lui donner la preuve selon le Coran et la Sunna de la position qui est valable et pour lui corriger son erreur s'il a une erreur dans sa compréhension ou dans ce qu'il a appris. Donc, avant, il faut avoir la connaissance. Pendant, avec, il faut être doux. Donc, lorsque tu ordonnes ou lorsque tu interdis, tu dois avoir de la douceur dans ta façon de le faire. Wal-hilm مع الأمر و والحلم مع الأمر كذا لا نمشي Donc, en même temps que tu dois avoir de la douceur, tu dois aussi être indulgent envers la personne et lui montrer que tu lui veux du bien. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يكفو ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا s'il n'est pas savant, il n'a pas le droit de chercher ce qu'il n'a pas de connaissance, la chose au sujet de laquelle, ou d'aller vers quelque chose au sujet de laquelle il n'a pas de connaissance. Et s'il a la connaissance, mais qu'il n'est pas doux, il est semblable au médecin qui est dur, qui n'a pas de douceur, et qui est dur envers le malade. Alors le malade n'acceptera pas de lui. Ou bien la personne qui fait l'éducation d'un enfant, mais qui est trop dur avec l'enfant, alors l'enfant refusera d'accepter de lui. D'accord? Et après, il dit, Allah a dit à Moïse et à Haroun, son frère, dites à Pharaon une douce parole, une parole douce, pour qu'il puisse se rappeler et craindre. Hein, dans le but qu'il puisse craindre, et dans le but qu'il puisse se rappeler. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. D'accord? Donc, pour être, c'est plus propice à la personne si il utilise la douceur. Et il y a un hadith du prophète Rasoul Allah qui dit que, Inna Allah la yu'ti ala al-rifq ma la yu'ti ala al-amf. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'il donne avec la douceur et qu'il ne donne pas avec la violence et l'agressivité. D'accord? Parce que parfois, quelqu'un qui a mis carrément à tout le monde, on voit quelque chose de haram, on se fâche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tout à fait normal, et ça fait partie de la foi de se mettre en colère pour quelque chose de haram, quelque chose que Allah a interdit. Accepter quelque chose contrôlée, pour faire preuve de patience. Et, ça arrive que parfois, par exemple, quelqu'un fait preuve d'agressivité et de colère, ou même de violence vis-à-vis des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que c'est contraire à la sagesse d'utiliser cette méthode. Et ça risque de faire chez la personne à qui tu veux lui montrer le bien, et bien ça risque de l'éloigner, plutôt que de l'approcher. D'accord? Non. C'est vrai, ben, exactement le frère Mokhtar, il nous fait réaliser un point qui est très important en même temps. Comme il a dit, par exemple, il y a le besoin, un besoin au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est entré dans la mosquée. Et qui s'est mis à uriner dans un des coins de la mosquée. Yani, le besoin, c'est une personne, le besoin en général, c'est des personnes très rudes, yani, naïves, ils n'ont pas de leur caractère, ils ne sont pas tellement raffinés, hein, ils sont un peu, comment je veux dire, ouais, c'est comme le feu villageois, si tu veux. Les gens qui vivent dans le désert ne connaissent pas vraiment la civilisation, d'accord? Donc, il rentre dans la mosquée, il a envie de jeûner, il ne rit, il se casse pas la tête. Mais les sahaba voient ça et ils se fâchent. Et ils veulent aller pour l'interdire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, laissez-le terminer. Et là, lorsque la personne a terminé, il est allé le voir, il lui a expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses besoins que la mosquée, c'est pas fait pour ça, hein. Et qu'il ne faut pas faire ça dans les endroits comme dans la mosquée, enfin, comme la mosquée, etc. Et il a ordonné aux Sahaba de verser un seau d'eau sur l'endroit où le bédouin avait uriné. Et puis, par la suite, le bédouin a aimé la façon du prophète sallam, et il était en colère contre les Sahaba qui avaient été un peu durs avec lui. Et donc, il avait fait un dua, si je ne me trompe pas, c'était « Oh Allah, sois miséricordieux envers moi et envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et envers personne d'autre après. » C'est-à-dire juste pour nous deux. ça, c'est, ça nous montre un peu la naïveté de la simplicité de ces gens-là, comment ils pensent. Et il y a un autre exemple que le frère m'a rappelé, c'est l'exemple du Sahabi, qui marchait avec une bague en or dans son doigt, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu marcher avec cette bague, il l'a arraché de son doigt, comme ça, et il l'a jeté par terre. D'accord? Et il lui a dit, qu'il marchait avec une braise ardente dans sa main. Et donc, le sahabi l'a accepté, il n'a pas hésité. Et même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, la bague est restée par terre, et les autres disaient, tu peux ramasser ta bague. Mais le sahabi a dit, je ne vais jamais ramasser quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté par terre. Donc ça nous montre que, dans ces deux exemples différents, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait utiliser son jugement et savait en quelle situation et envers quelle personne il pouvait utiliser de la dureté et envers quelle personne il pouvait utiliser de la douceur. Donc ça aussi c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Parce que certaines personnes vont croire que bon, on peut pas utiliser la dureté jamais. Et ça c'est faux. Mais il peut y avoir certaines occasions où ça peut être profitable et bien d'utiliser un peu de dureté. Mais il faut jamais enlever la limite et toujours faire preuve de sagesse et d'être capable de bien analyser la situation pour savoir dans quel contexte on est, d'accord? Exactement. C'est ça la sagesse, exactement. C'est de savoir dans quelle mesure de mettre les choses et mettre chaque chose à sa bonne place. La sagesse, c'est de mettre par exemple la douceur là où il faut mettre de la douceur et de la sévérité, de la dureté là où il faut la mettre. Et c'est ça la justice et c'est ça la sagesse. D'accord? Et le chef, il continue donc et il dit, que Allah a ordonné à Moussa et à ton frère d'être doux. Thumma amara aw naha. Donc, il dit, celui qui ordonne ou qui interdit, eh bien, en général, il va se faire réprimander, souvent abuser par les gens, à cause du bien, à cause du mal qu'il interdit, à cause du bien qu'il ordonne. Que les gens, en général, les gens n'aiment pas se faire rappeler du bien qu'ils ne font pas. Et ils n'aiment pas non plus se faire interdire le mal qu'ils font. Parce que des fois, ça les touche dans leur orgueil, dans leur fierté. Et le shaitan y en est bien souvent pour les détourner du bien et tout, les augmenter dans la transgression. Donc, les gens n'aiment pas souvent se faire remarquer pour le mal qu'ils font et le bien qu'ils ne font pas. Donc, ils répondent à la personne qui ordonne ou qui interdit, ils leur répondent souvent par des moqueries, par des paroles blessantes ou par des attaques personnelles même. Donc, il faut faire preuve de patience et d'endurance et d'indulgence. D'accord? C'est pour ça que Allah s'en parle et dit dans le Coran, ça c'est dans Surat Luqman, et c'est Luqman qui dit à son fils, Allah cite les paroles de Luqman à son fils, Ya bunayya aqim as-salat wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa asbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azm al-umur. Ô mon fils, établis la salat et ordonne le bien et interdit le mal, et sois patient pour ce qui va t'atteindre par la suite. Après avoir fait ça, d'accord. Et ça fait partie de la fermeté dans les affaires. Et le chef il dit, قال أيضا والواجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله وأن يكون مقصوده صلاح المأمور وإقامة الحجة عليه وأن يكون مقصوده طلب الرئاسة وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه أو طائفته أو تنقص غيره. Donc le cheikh il explique Ibn Taymiyyah encore une fois, il dit que l'obligation en ce qui concerne la personne qui ordonne le bien ou qui interdit le mal, c'est que son ordre et son interdiction soient pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement, et que son intention soit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut donc que le but de ce qu'il fait soit pour le bien, hein, pour le bien de la personne à qui il ordonne. Il veut son bien, d'accord ? Et pour établir la preuve contre cette personne-là, d'accord ? Comme ça, au jugement dernier, lorsqu'on sera tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, la personne n'aura pas d'excuse pour dire « personne ne m'a interdit ou ne m'a averti ». Yani, tu auras établi la preuve contre cette personne. Et le cheikh il dit « وَأَنْ لَا يَكُونَ مَقْصُدُهُ طَلَبُ الرِّئَاسَ لِنَفْسِهِ » Il ne faut pas que le but de la personne qui ordonne le bien ou qui interdit le mal soit pour arriver à demander une certaine, d'avoir un certain niveau d'autorité pour lui-même dans cette vie, ou bien pour son nouveau bien. Il doit le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, quand on ordonne le bien ou interdit le mal, ça ne doit pas être non plus pour rabaisser les autres. Hein. Il y a certaines personnes, par exemple, qui, lorsqu'ils vont interdire le mal, c'est comme si, ou ordonner le bien ou interdire le mal, les gens pensent qu'ils font ça uniquement pour les rabaisser. D'accord ? Et des fois, il y a des façons dont on ordonne le bien ou dont on interdit le mal qui peut faire penser et qui peut donner l'impression aux gens que c'est ça qu'on veut faire, les rabaisser. Et ça, c'est très mauvais. Et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, d'accord ? Le chef, il continue, il dit « وَأَصْلُ الدِّينِ أَنْ يَكُونَ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ وَالْمُعَالَاةُ لِلَّهِ وَالْمُعَادَاةُ لِلَّهِ والعبادة لله والاستعانة لله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعادته معادة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار. Donc ça c'est une autre explication du chef Ibn Taymiyyah qui dit que la base de la religion c'est qu'on doit aimer pour Allah et détester pour Allah et s'allier pour Allah et s'opposer aux autres ou s'opposer ou prendre en opposition certaines personnes et détester certaines personnes pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On adore pour Allah et on suit le messager d'Allah, car c'est celui que son ordre est l'ordre d'Allah et son interdiction est l'interdiction d'Allah. Hein, et le fait de le détester, c'est de détester Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'opposer à lui, c'est de s'opposer à Allah, et de l'obéir, c'est d'obéir à Allah, et de le désobéir, c'est de désobéir à Allah. Et donc ça, c'est un résumé des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça, c'est tiré de son livre Al-Hizba. Et ça, c'est le nom qu'on donnait à cette occupation-là, ou à cette organisation-là dans les États, dans le temps où il y avait, dans les pays musulmans en général, la dirigeance selon les lois de la charia, eh bien, il y avait toujours une partie des gens qui travaillaient dans ce qu'on appelle Al-Hizba. Et Al-Hizba, c'est-à-dire les gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Et c'était toujours le gouvernement qui prenait ces gens-là en charge. D'accord ? Et ils avaient comme responsabilité de veiller aux mœurs dans la société, et de veiller à ce que les gens ferment leurs magasins pour l'heure de la prière, que les femmes soient voilées, qu'il n'y ait pas de tricherie ou de tromperie dans les marchés, de corruption, des choses comme ça. Donc, il veillait à la moralité dans la société. C'est ça, ordonner le bien et interdire le mal. Et il y a un point que je voulais mentionner à ce sujet-là. c'est qu'il y a certains extrêmes parfois qui existent à ce sujet-là. Par exemple, ceux qui, par exemple, amènent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, a commencé à appeler les musulmans à la révolte pour ses dirigeants, ou à parler en mal contre eux sur le même bar lors d'un discours du vendredi ou de la prière, ces choses-là. Et donc ça, c'est transgresser la limite de la sunna au sujet de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et ça, c'est la voie des khawarij, parce que c'est eux qui ont amené ça comme étant al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. De même que les mu'tazila aussi ont pris ça comme étant une chose qui fait partie de l'ordonnance du bien et l'introduction du mal. Et ça, c'est contraire à la voie de al-sunna wa al-jama'a. Et l'autre extrême, ce serait ceux, par exemple, qui aujourd'hui appellent à la laïcité, hein, et on sait que la laïcité c'est coupe, alors que tandis que certains musulmans prétendent qu'aujourd'hui il faut appeler à la laïcité, la laïcité c'est coupe. Et ce serait par exemple ceux qui disent que, bon, les musulmans, il faut respecter la liberté individuelle de chacun, par exemple, ils disent la religion, c'est entre Dieu et une personne, hein, c'est entre moi et Dieu, ou entre une personne et Dieu, donc il ne faut pas venir se mêler entre Dieu et la relation qu'elle a avec et la personne, d'accord. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, et il n'y a pas de prêtre dans la religion, il n'y a pas de clergé dans l'islam, donc chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et puis personne n'a le droit de le critiquer, ou de lui rappeler, ou de quoi que ce soit, de lui dire quoi que ce soit. Et ça, c'est totalement faux, totalement contraire au fondement de l'islam, et aux règles de l'islam, et contraire avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure de Al-Amr bin Ma'ruf, donc, c'est comme on disait, c'est contraire au principe de l'Amr bin Ma'ruf. On a une carte de penser de cette façon, d'accord. Et ils utilisent certains versets même dans le Coran pour essayer de justifier cette idée, comme par exemple le verset qui dit « Nulle contrainte en religion, la ikraha fi din ». Et ce verset-là ne s'applique même pas aux musulmans, yani. Ça s'applique aux kuffars, c'est-à-dire « Nulle contrainte », c'est-à-dire que tu ne peux pas forcer personne à se convertir à l'islam ou à devenir musulman, d'accord. Pas que tu es musulman, tu as témoigné de Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc ça veut dire que tu crois en Allah et tu n'adores rien d'autre que lui, et tu crois au messager d'Allah et tu veux l'obéir. Donc tu acceptes tout ce que ça implique. D'accord? Ça c'est le témoignage. Donc si tu as accepté l'islam et que tu dis Rabbaytu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan. Donc, tu dis, j'ai agréé Allah, je suis satisfait d'Allah comme étant mon Seigneur, et je suis satisfait de l'islam comme étant ma religion, et je suis satisfait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Alors, comment tu peux venir par la suite et dire, je veux prendre de l'islam uniquement ce qui satisfait mes désirs, et puis je vais seulement faire ce que je veux dans l'islam, ce que j'aime pas ou ce que je veux pas, je le rejette, et puis après ça, tu dis que tu es musulman et que tu as une liberté individuelle en te basant sur le droit de l'homme que les kuffars ont inventé pour s'opposer à la loi d'Allah, hein. Et puis après tu dis la ikraha fi din, donc tu essaies d'utiliser le Coran pour ne pas appliquer le Coran. Donc ça c'est une complète contradiction, hein. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Le fait que par exemple on n'ait pas le droit de contraindre un chrétien à se convertir à l'islam, ou un juif à se convertir à l'islam, eh ben ça veut pas dire que, toi, en tant que musulman, par exemple, qui pratique pas les règles de la charia, ou les règles de l'islam, eh ben, on doit te laisser faire ce que tu veux, parce que toi, contrairement aux chrétiens, contrairement aux juifs, tu as accepté l'islam. Donc, tu dois suivre les règles et les principes de l'islam. Hein, c'est comme, par exemple, si tu es dans l'armée, ils vont suivre les règles de l'armée, hein. Même de l'armée canadienne, ici, il y en a, malheureusement, certains musulmans qui entrent même dans l'armée des koufars. Donc, s'ils rentrent dans l'armée des koufars, ils doivent se soumettre aux règles des koufars. Donc, ça, c'est peut-être un gros exemple, mais allons faire quelque chose de plus simple. Tu rentres dans une équipe de soccer, ou une équipe de basket. Bon, ça, c'est pas encore un bon exemple. Tu rentres dans une compagnie, et dans cette compagnie-là, on t'exige de porter une certaine tenue comme une sorte de costume, ou un genre de comment on appelle ça, là? Uniforme. D'accord? Et puis, on te dit, dans les conditions du contrat de travail de cet emploi-là, on te demande de signer pour dire que tu es d'accord à porter l'uniforme. Puis par la suite, après avoir signé le contrat et après avoir accepté tout ce qui est dedans, tu reviens et tu dis, je ne veux pas porter l'uniforme. Donc ça, mais par la suite, il y aura une contradiction avec ce que tu as accepté toi-même. Et donc, tu dois te remettre en question et puis accepter ce que tu refuses de faire pour pouvoir continuer à faire ce travail. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose d'assez simple que tous les musulmans sont capables de comprendre ou doivent comprendre. Malgré ça, il y a encore un groupe parmi les musulmans qui devaient refuser d'accepter ça et qui continuent à vouloir suivre les règles qui sont établies par les kuffars et qui placent ça au-dessus des lois d'Allah. Et qui utilisent des choubouhats et qui ont essayé de justifier ça. Et ça, c'est totalement rejeté dans l'islam. Et même en ce qui concerne l'Iqra' al-Din, si on lit les paroles des ulama de tafsir, que ce soit l'imam al-Tabari ou l'imam ibn Kathir, ils vont tous expliquer que ça, c'est, même la contrainte en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, ça c'est par exemple de ne pas les porter avec les musulmans, ça c'est par exemple parce que eux, ils ont le droit de payer la jizya. Hein, lorsqu'il y a une guerre contre les juifs et les chrétiens, si ça descend, il y a une djihad, si les juifs et les chrétiens refusent d'accepter l'islam, on leur offre par la suite de payer la jizya. Et en échange de cette jizya, et en échange de leur humiliation, eh ben, ils gardent leur religion, mais ils font cette punition-là qu'on leur donne, qui est une punition économique. Donc ça c'est pour les juifs et les chrétiens uniquement. En ce qui concerne les autres qui ne sont pas juifs et chrétiens, les autres idolâtres, il n'y a pas cette option de jizya selon la plupart des ulama, et c'est soit l'islam ou la mort. D'accord? Et il y en a d'autres qui ont dit que non, ça va même pour les autres qui ne sont pas des idolâtres, qui sont même pour ceux qui sont idolâtres, et ça c'est une divergence de prix entre les ulama. Mais les preuves sont claires, il y a pour ça les juifs et les chrétiens que c'est seulement eux qui paient la jizya. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus aussi, c'est que lorsque Isa va descendre, on a déjà expliqué qu'il va abolir cette jizya. Donc les juifs et les chrétiens n'auront même plus cette option-là. Donc là, on ne pourra plus dire qu'ils n'auront pas de contraintes dans ce cas-là. Et ça, c'est, on sait que le jihad, c'est uniquement lorsque les musulmans sont capables. On lui offre la capacité matérielle et militaire et le nombre suffisant et qu'ils ont un dirigeant et que le dirigeant décide de le faire. Donc, tout ça, c'est des conditions et des règles à respecter pour qu'on puisse le faire et c'est pas le cas actuellement. Donc, on continue avec le deuxième principe. Qa'idatun fil ibadat. Le cheikh il dit, العبادات يعني قاعدة في العبادات هذه لا règle en ce qui concerne les adorations. الشيخ يقول العبادات مبناها على التوقيت. فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم. Donc le cheikh il dit que les adorations sont basées sur التوقيف. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire التوقيف? Ça veut dire que tu dois t'arrêter devant les adorations. Tu n'as pas le droit de dire par exemple de faire une adoration excepté si elle est venue dans une phrase du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce que ça veut dire être tawqif? Tu dois t'arrêter au texte. Hein? Ça vient de waqafa. Hein? Ça veut dire que tu t'arrêtes au texte. Tu ne peux pas dépasser le texte. Hein? Lorsqu'il y a un texte qui te permet de le faire, tu le fais. il n'y en a pas de texte qui te permet de le faire, tu n'as pas le droit de le faire. C'est ça, tu ne peux pas inventer une nouvelle adoration. C'est ça, en fait, la signification du Tawqif, et ça vient pour nous montrer que, yani, si tu ne t'arrêtes pas au texte, donc tu as créé une bid'ah, tu as créé une innovation. Et le cheikh, il dit que, on est Allah nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et, Allah, il dit, si vous aimez réellement Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui obéit à Allah et à son messager, hein, Allah le fera entrer dans des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux et ils demeureront là-bas éternellement. Et voilà l'énorme succès. Le cheikh dit, وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر ولا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. Ça veut dire que Al-Bukhari et Muslim nous ont rapporté dans leur livre que Omar ibn Khattab a embrassé la pierre noire. Alors il a dit en s'adressant à la pierre noire devant les gens, pour que les gens entendent, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni me nuire, ni me profiter. Et si ce n'était que j'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui t'embrasse, je ne t'aurais pas embrassé. C'est-à-dire, tu ne peux pas me nuire, et tu ne peux pas me profiter en rien. Et je t'embrasse uniquement parce que j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faire. Donc je le fais parce que je l'ai vu le faire. C'est-à-dire, donc ça nous montre que on est permis d'embrasser une chose par en suivant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas embrassé une chose dans le but de l'adoration, donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire un acte excepté si c'est parce qu'on suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des musulmans, par exemple, qui embrassent la terre, qui embrassent les portes de la mosquée, qui embrassent les tombes, qui embrassent toutes sortes de choses dans les pays, comme Amédoum, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui embrassent les membres, qui embrassent les tombes, qui embrassent ils essaient d'embrasser tout. Et ça, c'est pas seulement, il n'y a pas de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc, c'est considéré comme une innovation. Yani, le Coran, il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a expliqué que la parole, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Sauf que les parties et l'encre sont créées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a embrassé lui, les pages du mushaf? À son époque, au temps du professeur Hassan, est-ce qu'il a fait ça, et les Sahab, est-ce qu'ils faisaient ça? Ils n'ont pas fait ça, d'accord? Ou il n'a pas été rapporté qu'ils l'ont fait. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le faire. D'accord? Et on se limite à ce qui est venu d'Allah et de son messager. Et le fait de vouloir montrer un respect au Coran, c'est en suivant la Sunna qu'on doit montrer ce respect. Et non en inventant de nouvelles formes de respect, que le professeur Hassan ne nous a pas enseigné. La même chose envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit montrer notre amour et notre respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'on doit le faire selon ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et selon les règles du Coran et de la Sunna. D'accord? Pas en inventant des formes de notre propre compréhension, de notre propre imagination, comme le font par exemple certains soufis, qui lors de sa naissance ou en d'autres occasions commencent à chanter des chansons, et à danser ou à faire toutes sortes d'actes qu'ils ont innovés pour dire qu'ils ont un amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils chantent et qu'ils disent qu'ils ont un respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens par exemple qui sont sortis dans les rues pour faire des manifestations à cause des caricatures et qui disent qu'ils font ça par amour et par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour défendre son honneur, et ça c'est contraire à la sunna. Donc comment tu peux prétendre vouloir respecter le prophète sallam et défendre son honneur en faisant quelque chose qu'il t'a interdit de faire, ou en faisant quelque chose qui est contraire à ta sunna. La façon de montrer le respect envers Allah et envers son prophète sallam et envers sa religion, et en suivant l'exemple du prophète sallam avant tout. D'accord ? Pardon ? Ça dépend de l'intention. Il n'y a pas vraiment une preuve claire qui montre que c'est un acte de shirk, excepté qu'on peut dire que c'est une bid'ah, c'est-à-dire que c'est une innovation que le prophète ne l'a pas fait. Mais pour savoir, là encore, moi je ne vois pas de lien avec le shirk dans cet acte. Allahu a'lam. Le fait d'embrasser le mushaf. Donc le chef il continue, il dit: وقد تقدم قول السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. On a déjà mentionné la parole des salafs, de certains salafs qui ont dit: suivez et n'innovez pas, parce que vous avez déjà ce qui suffit. Tout ce que vous avez déjà, c'est suffisant pour vous. كما تقدم أن من شرط قبول أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Comme on a déjà mentionné, que parmi les conditions pour que nos actions soient acceptées, on doit limiter le prophète, on doit limiter notre adoration par la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, en suivant uniquement l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il dit: وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن ما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة كما وكان عليه سلف الأمة. شيخ الجي يعني beaucoup de textes يعني du Coran et de la Sunna qui sont venus pour montrer que il y a l'ordre d'obéir à Allah et l'ordre d'obéir au messager. Et l'interdiction de désobéir à Allah et l'interdiction de désobéir au messager. Il n'est donc pas permis à personne de sortir de ce qui a précédé, dans la Sunna, et qui a été prouvé par le Coran et la Sunna, et de ce que les salafs de la Umma ont amené, et ont suivi. Donc là, et là le chef il dit, la troisième règle, قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. Une règle qui explique que la religion de l'islam tourne autour de la bonne action, l'action qui est bénéfique, et la connaissance qui est bénéfique et l'action qui est pure, qui est bonne. C'est là, c'est autour de ça que tourne l'islam. À chaque fois, Allah SWT dit dans le Coran, الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc, la connaissance, les actions et la foi et les bonnes actions. Et la connaissance, le chef dit, ça tourne autour de la religion, tourne autour de la connaissance qui est bénéfique et de l'action qui est صالح. Le chef dit, إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام: والصلاح منحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. نعم. دونك ابن تيمية يجيك لبيان se trouve dans deux catégories, dans la connaissance qui est bénéfique et dans l'action qui est vertueuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le meilleur de ça, c'est-à-dire la guidance et la religion de la vérité, pour qu'elle soit au-dessus de toute autre religion. Et il dit, la guidance, c'est la bonne connaissance, et la religion de vérité, montrer les bonnes œuvres de vertu. Donc, si on réfléchit bien à cette explication-là, on va comprendre que c'est la réalité. Cheikh dit, قال رحمه الله فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة. أما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة. نعم. Donc, Ibn Taymiyyah, il dit que les gens d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a suivent, et qui suivent les salafis salih, ils ne parlent pas de rien de la religion, excepté en suivant ce qui est venu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant le Coran et la Sunnah. Mais, les gens de Bid'a, eux, ils ne se basent pas sur le Coran et la Sunnah, et non plus sur les exemples des salafis salih. Mais ils se basent uniquement sur la raison, sur leur raison, sur la langue, hein, linguistique, et sur la philosophie. Donc ils se basent sur ça et ils laissent de côté le kitab ou le sunnah. Je ne sais pas quelle langue. Il y a des gens qui disent que dans l'au-delà on parle arabe, et que la langue du paradis c'est l'arabe, mais ce n'est pas basé sur aucun hadith authentique, cette chose-là, d'accord? Donc, on ne peut pas dire que la langue du paradis, c'est l'arabe. D'accord? Il y a d'autres prophètes, qui ont vécu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas parlé la langue arabe. Il y a la Torah qui n'était pas en arabe. Il y a l'Injil qui n'était pas en arabe. D'accord? Il y a les gens, je ne sais pas. Ouais, donc on ne sait pas dans quelle langue on va parler dans l'Akhira. Sauf que c'est certain qu'on va parler. Et même il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chaque personne va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y aura entre lui et Allah aucun traducteur. Ok? C'est clair, il y a que les gens comprennent bien. Il est à Bainahu wa Bainallahi sur Juman. Il n'y aura pas de traducteur. Donc, alhamdulillah. Il n'y aura pas de problème de compréhension ou de communication ce jour-là. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.